Dans la première partie, Mélia recevait deux invités qui estimaient qu'Internet fragilise nos relations. Maintenant, place à un nouveau point de vue radicalement différent. Internet renforcerait et même transformerait le lien social. Pour en parler, j'accueille deux nouveaux invités. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, votre travail, vous commencez avec une idée forte. Pour beaucoup de personnes isolées, Internet est un véritable lien vital. Pourquoi cela ? Parce que certaines personnes, âgées, handicapées, introverties, isolées géographiquement, n'ont pas la possibilité de sortir souvent ou de voir d'autres gens. Grâce à Internet, elles peuvent parler, jouer, rencontrer du monde, rejoindre des groupes de discussion, participer à des activités en ligne. Ce ne sont pas les mêmes relations qu'en face à face. Mais ce sont des relations réelles, qui comptent et qui brisent la solitude. Louane, vous montrez aussi que les jeux vidéo créent des liens sociaux forts. Expliquez-nous cela. Les jeux vidéo sont souvent accusés d'isoler les jeunes. Mais la réalité, c'est l'inverse. La plupart des jeux sont collaboratifs, interactifs, basés sur des équipes, remplis de discussions, de stratégies et de coopération. Les joueurs parlent ensemble, deviennent amis, créent des communautés. Pour beaucoup, c'est une vraie forme de sociabilité, parfois plus intense que dans la vraie vie. Clara, vous insistez aussi sur un troisième point. Internet serait devenu un outil puissant d'engagement citoyen. Absolument. Sur les réseaux sociaux, on peut organiser des manifestations, lancer des appels à la grève, créer des pétitions, rassembler des gens autour d'une cause, partager une idée à des milliers de personnes en quelques secondes. Sans Internet, beaucoup de mobilisations n'auraient jamais existé ou n'auraient jamais pris de l'ampleur. Internet ne détruit pas l'engagement, il le transforme, il l'accélère, il l'étend. Donc, si je vous écoute, Internet n'affaiblit-il pas le lien social ? Il va venir le changer ? Oui, exactement. Il crée d'autres types de communautés, d'autres façons d'être ensemble. On peut avoir des amis virtuels aussi fortes que des amis réels. Il faut sortir de l'idée que le lien social n'existe que dans le face-à-face. Il existe aussi dans le numérique. Merci à vous deux pour ces arguments très clairs. On a entendu deux visions opposées. Dans la première partie, Internet fragilisait les liens traditionnels. Dans sa deuxième partie, il en crée de nouveaux. Au fond, Internet ne détruit pas le lien social, il le transforme. Reste à savoir si cette transformation nous rapproche ou nous éloigne. Merci d'avoir suivi cet épisode de la matinale des droits et libertés. On se retrouve dans un instant pour la conclusion générale de notre série.